J'ai 20 ans et la route me regarde sans rien promettre. J'avance avec la dalle, je me vois plus tomber que naître. Je compte mes erreurs mais je garde le ventre affamé. Je veux arracher ma place, personne va me la donner. Le monde va trop vite, j'essaie de tenir la cadence. Je fais tout pour m'en sortir, même quand je perds la confiance. Les journées passent vite, les nuits sont longues à vivre. La pression de réussir m'empêche souvent de respirer libre. On m'a dit d'être patient, mais la patience m'a tué. Alors j'avance avec la rage que personne m'a donnée. J'ai la dalle, je veux m'en sortir, même si je sais pas comment. À 20 ans, tu fonces, même quand tu trembles vraiment. Je garde le feu dans le ventre, même quand je me sens noyé. Je suis affamé, affamé, je peux pas m'arrêter. J'ai la dalle, je veux m'en sortir même si je sais pas comment. À 20 ans tu fonces même quand tu trembles vraiment. Je garde le feu dans le ventre même quand je me sens noyé. Je suis affamé, affamé, je peux pas m'arrêter. Les raisons me fatiguent, la vraie vie me fait douter. Je vois des sourires filtrés mais des regards épuisés. On cherche un sens, un rôle, une place où se poser. On se dit que ça ira mieux demain mais demain veut pas se montrer. Je me bats contre mes peurs comme si c'était des guerres. Je veux pas finir bloqué dans un futur trois mers. Je garde mes rêves au chaud même quand la ville est cachée. Je sais qu'un jour je vais briller mais je sais pas encore quand ça passe. J'ai la dalle, je veux m'en sortir même si je sais pas comment. À 20 ans tu fonces même quand tu trembles vraiment. Je garde le feu dans le ventre même quand je me sens noyé. Je suis affamé, affamé, je peux pas m'arrêter. J'écrase mes doutes, j'garde la tête haute même quand j'vois pas la route.